Les 50 petits poèmes en prose, rassemblés sous le titre Le Spleen de Paris, parurent en 1869, 2 ans après la mort de Baudelaire. Le Paris de Baudelaire va à des taudis, aux maisons de prostitution et aux hôpitaux, peuplé de créatures vides et dolentes, ombres d'elles-mêmes, mendiants, filles, ratées et débauchées, rongées de souffrances et de vices, poursuivies par des rêves d'impossible évasion.